si seule, une seule vie. Pourquoi attendre une seule vie et faire des choix, une seule vie. Voici le mien, cette vie, ce choix. Veux-tu les partager? Car c'est vraiment toi, oui c'est vraiment toi. Peu importe qu'il y ait du bien, qu'il y ait du mal. Car c'est vraiment toi, oui c'est vraiment toi. À défaut du bien, acceptez le pire. Une seule vie, et être si seul. Une seule vie, pourquoi attendre? Une seule vie, et faire des choix. Une seule vie, voici le mien. Cette vie, ce choix, peux-tu les partager? Car c'est vraiment toi, oui c'est vraiment toi. Peu importe qu'il y ait du bien ou qu'il y ait du mal. Car c'est vraiment toi, oui c'est vraiment toi. À défaut du bien, acceptez le pire. Faire des choix. Je n'ai qu'une seule vie. Cette vie, ce choix. Je n'ai qu'une seule vie. Car c'est vraiment toi, oui c'est vraiment toi. Peu importe qu'il y ait du bien, qu'il y ait du mal. Car c'est vraiment toi, oui c'est vraiment toi. À défaut du bien, acceptez le pire. Toi.